occidentale, du bien-être maximal, de la joie, de l'amour. Vous en cherchez toujours. Vous savez qu'aujourd'hui tout est question de prix. Moi-même je l'ai compris, c'est pour ça que j'ai envie. J'avais bien reversé. J'aime la philosophie.